Thank you. Thank you. des rivières. Une rivière. Pas de la côte. Donne-moi ta main. théorie du ruissellement. Les cascades, ok. L'économie, non. Le ruissellement. Les cascades, l'eau. Un truc gratuit. No way, no hope. yes, we can do a fraction. Power to